Hey, come on, play it. Bonjour. Come on, play. Y'a que Paul Mac ici qui joue. Bon, 1, 2, 1, 2, 3, j'irais au bois, 4, 5, 6, cueillir des cerises. Ok, let me order some little drum.

Thank you.

au fond des fonds, se trahir des mers, où les sirènes sombrent en leur sombre repère. Plus loin que loin, aux extrêmes, extrêmes, où plus loin, thank you.